Wish City, l'appartement de Booz dans le quartier nord. Attends, t'as encore une égratignure là. Foutu filet. Mais bouge pas, que je te mette un pansement. Je voudrais te mettre un pansement, tu saignes du front. J'avais réussi à échapper au rat en sautant dans un chariot de marchandises. Ces chariots-là, personne ne montait dedans. Généralement, les rails qui les amenaient à Wish City s'inclinaient sur 45 degrés. C'est à une vitesse folle que j'ai percuté le filet d'arrêt dans les hangars. J'avais été pendant toute une descente comme un petit sac de roche qu'on aurait voulu ramener au hangar de la ville. Ça va ? Ouais, ouais. Non, reste assis sur le canapé. Je vais te chercher une bière. Booz ? Booz avait atteint son frigo, n'en sortit deux bières de roche puis s'est tourné vers moi. Quoi ? Booz, c'était mon ami. Mon meilleur ami. Je vois encore son œil. Aratis. Quand je ferme les yeux, il est toujours là, à me fixer. Booz a baissé les yeux au sol. Je sais pas comment enlever un œil de ta tête, moi. J'aimerais bien t'aider, mais je sais pas. J'ai tourné les yeux vers la verrière. De l'autre côté, après le balcon, scintillaient les immeubles du centre de Wish City. Et plus grand encore que n'importe quelle construction, le grand palais s'élevait parmi les stalactites. Booz s'est assis à côté de moi. Tiens, tu crois que les rats sont capables de détruire tout ça? Ils ont que leurs griffes. Nous, on a la technologie. L'électricité, les armes à feu, les pelleteuses, tout ça. Tu crois qu'ils sont capables de tout détruire? Honnêtement, Booz, je sais pas. Une armée élevée? Le grand dirigeant renforce les frontières de nos galeries. Même les taupes ont disparu. Comment les rats pourraient atteindre Wish City? Ce sont plus que des rats. Je sais pas d'où ils viennent, mais ce sont plus que des rats, Booz. C'est de retour. Il en a mis du temps à le bouffer, le gnome. Tiens-toi tranquille, toi. Ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Je suis gentil, vous savez. Je ne suis jamais rien qu'un bâtisseur en plus. Regardez, je suis tout plein de muscles et de nerfs. Pas un peu gras. Puis pour me muscler plus vite, je prends de la drogue. Écartez-vous. Écartez-vous de mon passage. Oui, Seigneur Atis. Oui, tout de suite. J'espère que vous avez apprécié le gnome, que vous l'avez bien dégusté jusqu'à en sucer les os et tout. Ah, c'est trop bon. Manfred, ferme-la ta gueule. Oui, Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé, Ratus? Je l'ai laissé partir. Je me suis dit qu'on en avait déjà un sous la main. Ne mangez pas. Ne mangez pas, je ne suis pas comestible. Regardez, je me fais pipi dessus. Regardez, regardez, il y a du pipi sur ma jambe là. Ça va gâcher le goût. Bouffez-le. Il me coupe l'appétit. Non, s'il vous plaît. C'est moi qui mange. C'est moi qui mange. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je vous serai utile. Je peux vous aider. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Et en quoi tu peux nous aider? Vous voulez attaquer Wish City, c'est ça? Je connais la ville. C'est ma ville. Ma ville. Je sais par où vous pouvez attaquer. Je connais les points faibles. Je suis un bâtisseur. Je sais où ça casse le plus. Je vous en prie, ne me bouffez pas. Je vous en prie. Atis? Je peux lui manger d'une jambe? Il me restera toujours une. Seigneur, pitié, j'ai la dalle. J'ai l'estomac au fond de la queue. Et le bout de la queue, c'est drôlement petit. Tu vas nous aider. Ouais. Peut-être que tu pourras nous être utile. Mais non, ne souris pas, petit gnome. Dans quelques jours, tu regretteras peut-être que nous ne t'ayons pas mangé. Emmenez-le. Je reste un peu ici, je veux voir le ciel par le trou avant de vous rejoindre. Bien, Seigneur! Bien, Seigneur! Allez, viens, petit! Viens, on va s'amuser! Avise-moi de ta fille! Oui, mais ne mangez pas! Ne mangez pas! Le ciel. Il fait nuit. Un peu d'air. la douceur de l'être. Cela te manquera-t-il ? Hein ? Quoi ? Qui me parle ? Où êtes-vous, montrez-vous ? Qu'on est stupide, raton. Ratissez le raton. Montrez-vous que je vous bouffe. Et on va rigoler. Rigoler? Oh, on rigole pas avec les persévères. Oh, si, un peu des fois. Non, toi t'es pas drôle. Tes blagues, elles sont à chier. Même pas vrai d'abord. Les persévères sont sages. Sages de rester cachés. Pourquoi ne pas ressortir des cavernes, Ratisse? Pourquoi ne pas goûter à ta nouvelle liberté? Tu veux te venger des hommes, n'est-ce pas? Oui, te venger de leurs méfaits sur toi et les tiens. Ta gueule! Ferme-la! Tu penses détruire les Bifwish? Et avec leur perte, trouver le moyen de détruire les hommes? Faire une armée de rats encore plus puissante que celle qui portait la peste? Et rêveur. Que voulez-vous, hein? Sortez de votre cachette. Nous voulons juste te prévenir, Ratis. Tu n'aurais pas dû laisser filer celui que tu as laissé filer. Il causera ta perte. Et tu le pressens. Tu gagneras, oui. Une bataille. Mais pas la guerre! Pas la guerre! Par ce que tu commettras, tu rendras tes ennemis plus forts qu'ils ne l'ont jamais été. Qu'est-ce que t'en sais? Les persévères voient l'avenir. Normal, on n'a pas le câble. Faut bien qu'on s'occupe. Il est encore temps pour toi de renoncer, Ratis. Nous t'aurons prévenu. Bah, fouille.